Est-ce que tu sais de quoi j'ai besoin tout de suite? De toi, petite pétasse. Bitch, bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Cœur, je n'en peux plus, je ne vais plus être ton mec. Tout le temps, tu prends la tête, tu déchires ton profit. T'as le timbre, tu te réveilles, t'es hostile. Comme moi, je aussi, c'est le son de ma musique. T'as cette dure à dire, ce mot n'est pas pareil. C'était une vraie merde, mais maintenant, faut que c'est des serais. J'ai été distrait, maintenant t'es pipe. Parce qu'ils te disent frais, y'a toute une équipe, y'a toute une éthique. À avoir ce que tu veux, t'es avec moi. À avoir le sourire n'est pas pire, quoi. Pas vraiment, dès le matin tu pleurais carrément. Me faisais des cris de jalousie, inopinément. J'ai voulu foutre le camp, vite fait, bien fait. Qu'apportage, j'ai plus de temps, tu m'as pas plus bien fait. J'ai essayé de remonter la pente avec toi. Seulement, tu n'as pas voulu y mettre un peu de toi. Bitch, bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. J'ai besoin de changer de décor, voir d'autres gens, d'autres filles filer vers le nord. Prendre le temps de chill, pas faire un effort. C'était pas trop sérieux entre nous, je crois qu'on avait tort. Ok, on est trop jeune pour faire tout ça. Vouloir se fiancer, faire des enfants, on s'en fout de ça. Je n'en peux plus de ça, pour nous c'est un cul de ça. Car voir nos parents se séparer, on a vu que ça. On a connu que ça, prendre le temps de vivre quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de vive voix. C'est maladif quoi, cœur, voilà l'histoire. Beaucoup de relations commencent à rouler, finissent dans le noir. Ça finit dans le soir, la nuit de brouillard. Le soleil n'est plus au rendez-vous, est devenu trouillard. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Je t'aime, je te kiffe. Mais bon, il faut y aller. Bataille, ma paire, car je dois bouger. Y'en a, on va le temps de chialer. Tu sais que je t'aime, je te kiffe. Mais bon, il faut y aller. Bataille, ma paire, car je dois bouger. Y'en a, on va le temps de chialer. Ne t'arrache pas les cheveux, t'arrache pas les gelets. Tu fais n'importe quoi, yop. C'est pas la fin du monde, ne prends pas tes plombs pour me dire au revoir, yop. Ce n'était qu'un essai, capite, c'est cette femme d'oublier, yop. Femme d'oublier, yop. Mais c'est atomisé, yop. Ne t'arrache pas les cheveux, t'arrache pas les gelets. Tu fais n'importe quoi, yop. C'est pas la fin du monde, ne prends pas tes plombs pour me dire au revoir, yop. Ce n'était qu'un essai, capite, c'est cette femme d'oublier, yop. Femme d'oublier, yop. C'est atomisé. Tu sais que je t'aime, tu sais que je te kiffe. Mais bon, il faut y aller. Bataille, ma paire, car je dois bouger. Y'en a, on va le temps de chialer. Tu sais que je t'aime, tu sais que je te kiffe. Mais bon, il faut y aller. Bataille, ma paire, car je dois bouger. Y'en a, on va le temps de chialer. Bitch, bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, une autre bitch. Bitch, j'ai besoin d'une autre bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai besoin d'une autre bitch, pas de ma faute, non? Tu vois ce que je veux dire? De l'eau a coulé sous les ponts. Yeah.